Et bienvenue sur Radio Guémozo pour cette nouvelle édition de l'heure des loups, la quotidienne de 18h à 19h sur le 107. Comme je l'avais annoncé dans mon émission d'hier soir et un petit peu plus tôt sur la page Facebook comme d'habitude, on va parler littérature, eh oui, et pas n'importe quoi comme livre, hein. Donc n'allez pas croire que j'ai lu Le Rouge et le Noir ou des choses comme ça, non, c'est un ouvrage beaucoup plus atypique, beaucoup plus singulier, et oui, il s'agit du Point sur la Méduse de Florent Kiefer qui est là avec moi en studio. Bonsoir Florent. Ah mince, je crois que ton... Ou j'ai pas de retour, non. Voilà, les aléas du direct font que quand on fait des choses très vite en même temps... Alors ça y est, tu peux parler, je crois que ton micro est allumé. Bonsoir Lou, ça marche? Oui, ça marche très bien. Cette fois les auditeurs t'entendent, oui, vu que j'ai aussi le retour son. Alors oui, si tu es là ce soir, c'est pour la sortie de ton 5e roman, parce que tu en as sorti 5, je sais pas si on va en parler, mais il est sorti très récemment, fin octobre 2018. C'est ça. Il s'agit du Point sur la Méduse. On a tellement de choses à se dire pour cette émission. D'ailleurs, si un auditeur a envie de réagir comme d'habitude, je vous invite, dès que vous le voulez, à discuter avec nous via la page Facebook Radio Guémozo, si tant est que je vois les notifications assez rapidement, ou appeler au 03 29 62 40 40. Dans tous les cas, Florent, tu es à moi pour une heure. Et voilà, on va parler de toi, comme d'habitude, de ton parcours et de ton roman. Parce que au moins, celui-là, je l'ai lu. J'ai pas lu les autres, mais à culpa. Mais celui-là, je l'ai lu parce qu'après tout, c'est le centre de cette émission. Alors, on va commencer par le commencement. Florent, dis-moi, en tant qu'écrivain, tu as un certain amour de la langue française. Comment c'est né? Bonne question. Il y a toujours plusieurs réponses possibles à cette question-là. Je pense qu'il y a quelque chose de familial au départ. Il y a un certain plaisir à parler et un certain plaisir à jouer avec les mots. Et je pense que, notamment pour le Point sur la Méduse, ma famille maternelle est une famille de militaires et il y a quelque chose qui est passé chez ma mère, donc, du langage troupier que devait pratiquer son père, que je n'ai pas connu, mon grand-père maternel. Et il y a une certaine. À quoi s'ajoute une certaine. Un certain plaisir à manipuler les gros mots et un certain goût scatologique qu'on retrouve de plus en plus dans mon écriture. Et je me suis demandé récemment si ça venait pas de là aussi. Un goût scatologique, dis donc. Un côté pipi-caca, pour dire les choses. Ah oui, avec des mots un peu triviales. De toute façon, on va y venir. Mais pour en arriver à ce parcours d'écrivain, ou à ce statut, même si je ne sais pas si c'est ta seule activité... Pas du tout, non, je travaille à côté. Justement, qu'est-ce qui t'a mené à écrire? Le goût des mots... J'aime fabriquer des objets, je ne suis pas du tout bricoleur et j'ai trouvé dans le langage quelque chose d'immédiat, de facile. Et je suis rentré dans l'écriture en fait plutôt par la poésie, j'aimais bien faire rimer les choses et fabriquer des sonnets par exemple. Je faisais beaucoup de sonnets quand j'étais adolescent J'étais fasciné par, essentiellement par Baudelaire. Et c'est par là que je suis entré dans l'écriture, en écrivant des sonnets baudelairiens. Et pourtant, ce n'est pas spécifiquement ce qu'on a sous les yeux. Est-ce que parmi tes quatre autres romans, tu as quelque chose d'inspiration baudelairienne qui pourrait peut-être intriguer nos auditeurs ? Je ne pense pas. Non, je ne pense pas que ce soit resté dans ces romans-là. Alors, tu t'es éloigné de Baudelaire pour avoir ton propre style, ta propre plume, littéralement. Et s'il y a autre chose qui est important de souligner, c'est que tu fais partie de la compagnie L'Aéronef, vu qu'on a reçu il y a quelques semaines Anne Marion et Jean-Nicolas Mathieu. Tout à fait. Comment s'est faite la rencontre avec la compagnie L'Aéronef et l'intégration dans cette compagnie ? L'Aéronef est né donc en 2012 d'une envie commune au départ entre Anne Marion et moi-même, et puis Jean-Nicolas dans un troisième temps, autour d'un objet qui s'appelait Quel était le titre exact ? On dit toujours entre nous la Citroën DS, voilà. Ballet automobile. Et autour de ce projet-là, que nous destinions en fait au quatrième membre de ce quatuor, qui s'appelait Jean-Marc Viret, nous nous sommes retrouvés autour d'un objet qui était un objet chorégraphique, mais où intervenait également de l'image, du son avec Jean-Nicolas, et de l'écriture avec le texte de Roland Barthes. Et moi j'ai un petit peu coordonné tous ces violons-là, et c'est de là qu'est née la compagnie L'Aéronef. Et ce quatuor. Compagnie, alors si je regarde un petit peu le dos de ton roman, d'ailleurs on va aussi parler du design, parce que quel design la compagnie L'Aéronef est née bien après la naissance de tes premiers romans. Tout à fait, oui. Ouais, j'ai commencé à écrire, mon premier roman je crois que c'est 2003. Oui, Dernière Vidange. Oui, c'est ça, j'ai commencé à écrire en 2000, très exactement, je m'en souviens. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans l'écriture ? Dans une écriture comme ça, longue, parce que comme je le disais, j'écrivais des petits poèmes au début, donc avec un désir d'être publié, je me souviens que c'est le passage à l'an 2000. Il y a eu, je ne sais pas si tu as vu ton très jeune âge, eu l'occasion de vivre ce moment-là, ce qu'on appelle le passage à l'an 2000, qui fait partie d'un passé de plus en plus lointain. Mais pour les gens de ma génération, l'an 2000, c'était le futur. C'était à la fois le futur de l'humanité. On imaginait, moi je suis né en 75, quand on était jeune, on imaginait vraiment qu'en l'an 2000, les voitures voleraient. Et donc on se projetait dans ce futur un peu mythique, à la fois pour le monde et puis également pour son propre destin. Et il y a eu un effet de... moi j'avais 25 ans en l'an 2000, il y a eu un effet de mais où j'en suis finalement de mes rêves d'enfant. Et il y a une sorte de déclic comme ça en me disant « Allez, pour l'an 2000, j'essaye d'écrire un roman. » Voilà, donc j'ai écrit ce qui était à l'origine un premier jet de Dernière Vidange, qui ne s'appelait pas du tout Dernière Vidange, mais qui s'appelait L'Ordure ou les Métamorphoses, que j'ai envoyé à un éditeur et qui est devenu ensuite Dernière Vidange. C'est comme ça que ça s'est fait. Est-ce que tu as toujours collaboré avec les éditions La Dragonne, qui sont l'éditeur de ton roman que j'ai entre les mains ? Oui, j'ai eu cette chance incroyable de n'envoyer mon manuscrit qu'à un seul éditeur au début, aux éditions La Dragonne, dont j'aimais beaucoup les livres. Et j'ai eu cette chance extraordinaire au bout de, je crois, un temps assez long, je crois que c'était au bout de 4 mois, d'avoir un coup de téléphone. Je me souviendrai toute ma vie de ce coup de téléphone, avec la voix d'Olivier Brun à l'autre bout. Et c'est vrai que depuis, on a cessé de continuer cette aventure et de vivre 5 naissances, en comptant la première. Et oui, vu que la cinquième est toute fraîche, ton nouveau bébé, c'est le point sur la Méduse. Comme on le disait, il est sorti fin octobre de cette année, donc il a à peine un mois et demi. Mmh. C'est tout frais. Comment ça s'est passé depuis le lancement du roman ? Il y a beaucoup de choses qui sont passées. Il y a eu le salon du livre, le livre sur la place déjà. Ça a été vraiment l'acte de naissance, donc c'était début septembre. Et ensuite, j'ai eu un certain nombre trois. Trois, dont deux que j'ai réalisées avec Jean-Nicolas Mathieu, donc, dont tu parlais tout à l'heure, qui sont des lectures-concerts. C'est quelque chose qu'on expérimente et qu'on aime bien. Il s'agit d'un choix d'extrait du Point sur la Méduse. Et lui m'accompagne à la guitare électrique. en improvisant et on travaille beaucoup sur l'écoute. On a tous les deux un long parcours de collaboration, notamment avec l'aéronef, mais pas seulement. On avait commencé avant à travailler ensemble. Et tout ça nourrit un temps d'un peu près trois quarts d'heure de lecture-concert. Donc on a présenté à la fois au théâtre municipal et plus récemment à la librairie L'Octopus à l'Épinal. Oui, le 24 novembre. Oui, c'est ça, ouais. Ces rencontres, tu en avais parlé déjà d'une de ces rencontres dans le biais de sortie du 28 septembre, là où, parce que je me suis quand même amusée à réécouter pour moi et pour les auditeurs cette interview, là où tu donnais une nouvelle dimension au livre, dans la mesure où tu ne faisais pas que le lire, mais c'était c'était donner une nouvelle dimension à la lecture. Comment ça s'est passé? Une nouvelle dimension qui est d'ailleurs présente dès l'écriture. C'est le plus oral de mes textes. Je l'ai presque écrit en pensant à ce qu'il donnerait sur scène. Ta question, c'était, excuse-moi, comment ça s'est passé avec Jean-Nicolas? Oui. C'est oui. Ça, la lecture. On a travaillé avec une troisième personne qui s'appelle Benoît Fourchard, qui est également auteur aux éditions La Dragonne, mais dont l'activité principale, c'est d'être comédien et metteur en scène. Et donc, qui nous a guidés, qui nous a fait office de regard extérieur, en fait, sur ce travail-là, à la fois dans le choix des passages et, en ce qui me concerne, dans l'intention que je mettais derrière la lecture. Alors, j'ai commencé avec une lecture très respectueuse du texte, très... très neutre, et c'est une lecture un peu blanche comme on a parfois l'habitude de le faire quand on lit des textes, pour laisser parler le texte. Et puis il a eu cette réflexion très juste qui était de dire il faut pas le respecter, ce texte-là, il faut y aller, il faut l'interpréter, il faut y mettre tout ce que tu as envie d'y mettre. Et donc c'est un peu ça qui s'est passé, et c'est devenu... ce qu'il est au fond, c'est-à-dire une espèce de mélange entre ce qu'on pourrait appeler le genre du stand-up, parce qu'il y a de ça, et également un discours de tribune, ou alors une sorte de divagation hallucinée de quelqu'un qui tout à coup se met à entendre des voix dans sa tête et à parler entre toutes ces voix. Au niveau de la réception du public, hein, ça s'est fait comment? Est-ce que c'était aussi un moment où le public était présent et à l'heure, il me semble qu'il y a aussi eu un moment de rencontre, d'échange et de discussion après? Oui. Alors, ce qui est intéressant quand on fait une lecture, c'est qu'on a des retours instantanés, alors que quand on est sur un salon, par exemple, on n'a pas les retours tout de suite. Évidemment, ils étaient... très positif, mais tu sais, c'est toujours trompeur, puisque en général, ce sont les gens qui aiment qui viennent te parler, ceux qui n'aiment pas, ils partent. Mais bon, globalement, l'accueil était plutôt chaleureux et puis plutôt surpris. C'est peut-être un texte qui étonne par sa thématique et par sa forme. En effet, parce que c'est une thématique assez particulière, les méduses. Hein. Je pense que vous en êtes douté avec le titre, je répète, le point sur la méduse. Le thème central, forcément, c'est les méduses, mais pas n'importe comment, vu que, alors si je résume un petit peu, et je vais faire un parallèle un petit peu plus tard avec un manga que j'aime beaucoup, j'en parlerai plus tard, t'inquiète pas, c'est un petit peu... qui tu penses qui pourrait prendre la suite de la survie sur Terre, de la vie sur Terre, la vie principale, et t'as vraiment brodé autour, c'est beaucoup de recherches sur le thème de la méduse, mais ce qu'on n'a pas dit dans cette émission aussi, c'est que ce roman a une particularité, principale, c'est qu'il n'y a pas la moindre ponctuation. Oui. C'était l'idée de ce livre-là, et ça a aussi donné le titre, puisque c'est un titre... le seul point du livre, il figure dans le titre, hein, le point sur la méduse. C'était une envie stylistique pure d'essayer ça, mais qui n'est pas juste formelle comme ça, parce que c'était une envie pour approcher un animal sous-marin. J'avais envie de me couper moi-même de respiration et de couper le souffle au lecteur, de l'empêcher de respirer. Et c'est un peu... ce qui se passe, ça fait partie aussi des retours de lecteurs qu'on m'a fait, c'est que on est un peu au début dérouté par cette impossibilité de respirer. Donc je voulais quelque chose de cet ordre-là, et je voulais aussi introduire à travers cette petite contrainte un jeu avec le lecteur. Je voulais un peu le taquiner, je voulais parfois le perdre. Il y a tout un travail qui, quand on supprime la ponctuation, qui est un travail qui consiste à rendre lisible sans ponctuation un texte, et on peut aller dans l'autre sens, c'est-à-dire on peut s'amuser à perdre encore plus le lecteur par l'absence de cette ponctuation. Donc c'était deux directions de travail qui m'ont vraiment intéressé d'un point de vue stylistique. D'ailleurs aussi à ce niveau-là, ça donne une dimension. Alors tu as parlé de la dimension aquatique, du fait voilà d'étouffer parce qu'on peut, ou du moins on peut difficilement lire à voix haute. Mais ce qui en tout cas ressort pour moi, c'est très personnel. On a l'impression d'être dans ta tête. Oui, oui, il y a un dialogue avec le lecteur. J'interpelle beaucoup le lecteur. Alors c'est peut-être pas ça que t'as ressenti. Hein, alors déjà si, parce que plusieurs fois dans le roman, tu nous dis d'aller faire des recherches sur internet, tu dis si vous voulez pas faire des recherches sur internet, c'est pas la peine, fermez le livre, au revoir. Ou tu nous demandes aussi, enfin je parle de nous parce qu'en tant que lectrice aussi, tu nous dis d'aller regarder Medusman sur YouTube. D'ailleurs t'as réussi à me perdre avec ça parce que YouTube est un immense labyrinthe dans lequel j'ai regardé tout sauf ce que tu demandais de regarder, et j'ai fini par reprendre le livre plusieurs jours plus tard. Mais bon, ça c'est la génération YouTube aussi, c'est un autre problème. Mais voilà, c'est vraiment, alors déjà rien que ça, le fait d'être dans ta tête, et ce qui du moins ressort aussi, c'est que j'ai l'impression que ce roman, c'est pas uniquement une histoire que tu nous racontes, mais en fait c'est un livre sur la création de ce livre. Là où tu en es, là où tu en es dans ta tête, et aussi il y a des moments où tu interpelles un petit peu, tu dis où tu en es dans tes recherches, que tes éditions te relancent pour savoir où tu en es dans ton bouquin, que tu veux aller faire des recherches, ou que tu espères que quelque chose figure sur la quatrième de couverture. D'ailleurs, je suis en train de le chercher partout, mais je ne trouve pas la citation. Enfin, vraiment, c'est pas juste un ouvrage. Enfin, si, c'est un ouvrage pour en savoir plus sur les méduses, mais d'une manière extrêmement détournée, et pas en disant voilà, c'est un livre fini qui est beau, parfait, tranché. C'est voilà, c'est un roman sur la manière dont tu as fait ce roman. C'est très juste ce que tu dis. C'est très très juste. C'est effectivement un sujet qui me dépasse complètement, qui me dépasse moi personnellement parce que je ne suis pas du tout scientifique, donc c'est un sujet qui était très ardu pour moi et qui nous dépasse en tant qu'être humain, parce que des histoires de fin du monde et de disparition de notre espèce, c'est une échelle qui n'est pas l'échelle de nos existences. Et donc, comme je suis dépassé par ces deux sujets, je n'ai pas envie de faire semblant de jouer à celui qui s'y connaît, et j'ai pas envie de faire semblant de jouer à celui qui maîtrise. Ce qui m'intéressait, c'était de me placer dans une sorte de lâcher prise, d'être dans un dialogue sans phare, sans apprêt avec le lecteur, à la fois pour j'allais dire le mettre à l'aise, mais également pour me mettre à l'aise avec moi et pour introduire cette idée de jeu. C'est assez drôle finalement de voir, et c'est intéressant, avec l'outil internet, comment on peut assez rapidement faire illusion, c'est-à-dire avoir un discours qui a une forme scientifique, qui a même une certaine rigueur, c'est-à-dire je prétends pas du tout avoir une rigueur scientifique, mais je pense, on m'a fait quelques remarques pour me dire que certaines choses étaient fausses, mais je pense que l'essentiel, la majorité des informations qu'il y a dans son livre sont justes, correspondent à l'état actuel de la science. Et je suis assez fier de ça parce que je n'y connais rien aux méduses à la base. Oui, parce que justement, tu as fait beaucoup de recherches à ce niveau-là. Enfin, tu es très précis sur différentes espèces de méduses, sur des recherches, sur des artistes qui ne vivent plus et dont le savoir-faire est perdu à tout jamais. Je pense que si tu sais très bien de qui je parle. D'ailleurs, tu as même parlé du scientifique. Tu as beaucoup parlé du scientifique qui a fait une énorme découverte, pour ne pas citer Shin Kubota, qui a découvert qu'il y a une espèce de méduse qui est immortelle, la tourie Turritopsis d'Orny. Ah oui. Comment tu peux oublier un nom pareil, enfin. Non, c'est que j'ai un petit peu de mal à le prononcer, comme tous les différents noms. Enfin, et d'ailleurs, ce personnage, Shin Kubota, est aussi un personnage central, en plus des méduses. C'est un personnage de ton roman aussi. Enfin, oui. Je tiens ces deux fils. D'un côté, il y a cette recherche scientifique assez exigeante, et de l'autre côté, il y a toute la fantaisie du roman et tout ce que m'autorise encore une fois Internet. C'est-à-dire que Internet, c'est pas simplement des connaissances, c'est aussi bien souvent, quand tu fais des recherches d'une certaine façon, les êtres humains, les histoires qui portent, qui sous-tendent ces connaissances-là. Et effectivement, si j'avais eu un traité purement scientifique, ben je me serais uniquement intéressé à ce que dit Shin Kubota, je l'aurais cité, mais j'aurais surtout évoqué son travail, ses recherches. Alors que là, j'ai découvert un personnage totalement romanesque, même au-delà de ce que j'aurais pu imaginer moi-même en termes de fantaisie, en termes d'humour, en termes de tragique et en termes tout simplement de beauté humaine. C'est un professeur, c'est le type même du savant fou tel qu'on le rencontre dans les mangas, dans les dessins animés. Et je me suis beaucoup amusé, j'ai vraiment l'impression de le connaître et de l'avoir rencontré. Et ce roman, c'est aussi ça, c'est-à-dire raconter par petites touches, c'est un roman court, donc on effleure, mais de raconter la vie de toutes ces personnes qui gravitent autour des méduses, que ce soit les savants, que ce soit les pêcheurs, voilà. Tantôt de les imaginer, de les fantasmer, et tantôt de les raconter à partir d'éléments tout à fait réels. D'ailleurs, tu as dit que Shin Kubota est un personnage parfaitement romanesque et c'est ce sur quoi je vais rebondir parce que oui, c'est ce que tu nous as appris dans ce roman. Non seulement c'est un scientifique très sérieux qui fait des recherches très poussées, qui fait des conférences, mais c'est aussi un artiste chanteur qui prend le nom de Mr. Immortal Jellyfish que tu traduis par Méduse Man. Personnage tout à fait, romanesque, enfin... On ne s'attendrait pas en France à trouver un professeur de fac très sérieux faire des karaokés en blouse blanche avec une charlotte rouge sur la tête et des tentacules. C'est un personnage, enfin, moi je me suis tapé des barres quand je suis tombée dessus. Tu sais quoi, on va s'écouter une première pause musicale parce qu'il faut bien laisser aux auditeurs le temps de digérer tout ce qu'on leur a déjà dit jusque-là. Donc c'est un morceau dont je ne peux pas dire le nom parce que je ne sais pas lire les idéogrammes, mais de Shin Kubota alias Méduse Man, et on se retrouve juste après. ちっちゃいクラゲです。だけど僕には人になり特別な秘密があるんだ。僕は若返ることができるんだ。もうダメだと思ったらポリプに戻ってワンツースリー。 またまた人生をやり直すことができるんだ。みんなは一度だけの人生だから今を大切にしておくれ。あ、それ便利便利。 うちの名前は紅クラゲ。ちっちゃいちっちゃいクラゲです。だけどうちには人いない特別な秘密があるのよ。うちは若返ることができるのよ。もうダメだわと思ったら リプに戻ってワンツースリー。またまた人生をやり直すことができるのよ。みんなは一度だけの人生だから今を大切にしておくれ。 スにしておくれ、あ、それ便利便利。わしの名前はベニクラゲ、もうすぐポリプにボンドレるぞ。今度送れる人生で何をしようかしやんちゅう。わしはわしは若返ることができるんだ。二十歳のピチピチな体に今から戻るぞ、きくに。今から人生をやり直すことができるんだ。みんなは一度だけの人生だから、悔いを残さずに生きてくれ、あ、それ便利便利。 Vous êtes de retour sur Radio Gémozo 107 FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups. Et si vous voulez discuter ou réagir avec nous, n'hésitez pas à passer par notre page Facebook Radio Gémozo ou à nous appeler au 03 29 62 40 40. D'ailleurs, je viens d'apprendre que Zolveig en Alsace nous écoute. Très contente de savoir que tu es avec nous à l'antenne. On est toujours avec Florent Kiefer pour ton roman Le Point sur la Méduse. Et oui, on est là pour faire le point à ce sujet. Comme ça, je l'ai fait, le jeu de mots. Et c'est vrai que on a énormément, enfin on a déjà commencé à dégrossir pas mal de choses, mais il y a une question que je me pose parce que c'est un sujet qui commence à venir quand même très fréquemment. Ça vient tout de suite, dès le début du roman, tu poses les bases et je crois même, tu l'as dit, d'ailleurs je sais pas pourquoi j'ai perdu la page, si qu'on est actuellement à la 6e extinction animale de masse sur notre planète, et que de toutes ces espèces, enfin toutes les extinctions de masse, il y a une espèce qui a tout traversé. Bon, je réponds un petit peu à ta place, c'est la méduse. Alors est-ce que toi actuellement, parce que si tu parles d'extinction de masse, tu parles aussi forcément de l'humanité. Tu te considères fataliste par rapport au futur de l'humanité ? Fataliste, non. Je pense qu'aucun être humain n'est fataliste, mais malheureusement, on est en train de se demander si on n'est pas un peu après, s'il n'est pas trop tard. C'est-à-dire que on sait que au cours des 40 dernières années, il y a 40%, si ma mémoire est bonne, des vertébrés. 40% des vertébrés, des populations de vertébrés qui ont disparu, hein, ou alors 80% des insectes volants. Ça fait partie des destructions dans lesquelles il n'est pas possible de revenir en arrière. Donc je ne suis pas, je pense qu'on n'est plus à une époque où on défend les optimistes et les pessimistes. Il y a des choses déjà qui sont malheureusement actées et où nous conduiront-elles ? Voilà, c'est là peut-être où il y a encore un espoir possible, et je pense évidemment qu'il faut garder cet espoir et cet optimisme de volonté, parce que sinon on ne fait rien. Et voilà, je ne vais pas dire que ce livre sert à ça, parce que je suis extrêmement modeste par rapport à ça, et je ne suis pas du tout donneur de leçons, mais je photographie ça. Et c'est vrai que je le dis dans le livre, mais je me souviens très bien du jour où j'ai appris, où j'ai entendu à la radio ce terme de 6e extinction animale de masse de notre fête, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle l'ère anthropocène. Je me souviens très bien quand je l'ai entendu à la radio, et je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. Et je le dis d'ailleurs dans le livre, c'était le même jour que la mort de Jeanne Moreau. Et oui, c'est vrai. Je me faisais la réflexion que, en tant qu'être sensible, j'étais presque plus bouleversé par la mort de Jeanne Moreau, en pensant à Jules Egy, mais à des choses très fortes qui me parlent à moi en tant qu'humain, plutôt qu'à cette chose colossale, immense, impensable presque à notre niveau, de se dire que des espèces et parfois des espèces très familières, hein, comme le hérisson par exemple, sont appelées à disparaître, qu'il n'y aura plus de hérissons et que les hérissons, à mes petits-enfants ou à mes arrière-petits-enfants si je les vois, je leur en parlerai comme on m'a parlé à moi des dinosaures. Et cette chose-là est absolument glaçante et absolument effrayante. Je plombe un peu l'ambiance. Non, mais ça parle de ça aussi, le point sur la méduse. Il faut être aussi assez réaliste sur ce qui est, comme tu l'as dit, c'est un fait. Quoique, on ne va pas s'étendre beaucoup trop sur le sujet, sinon 36 véganismes, je me réveille. Mais après tout, oui, c'est un sujet important qui a aussi été, si je ne me trompe pas, une part du déclic. Parce que comme tu l'as dit plusieurs fois dans ton roman, je ne sais pas si on aura le temps de citer tout ce que j'ai marqué parce que j'ai mis plein de post-it partout. C'est une espèce qui a traversé toutes ces extinctions de masse, qui est très ancienne et qui est encore là et qui sera très certainement toujours là. Oui, c'est un organisme extrêmement simple qui n'a pas beaucoup évolué. Et bon, certains scientifiques expliquent ça comme ça, qu'elle a en quelque sorte troqué avec l'évolution, si tant est qu'il y a une évolution avec un E majuscule, il n'y en a pas évidemment, mais qui a troqué en fait son évolution contre un mécanisme extrêmement simple. C'est un mécanisme biologique extrêmement simple. Pour le dire rapidement, elle a une bouche qui lui sert d'anus, elle a un fonctionnement qui lui permet de digérer très rapidement ses proies, de les transformer très rapidement en énergie, et elle renouvelle extrêmement vite ses cellules lorsque ces cellules sont touchées. Et surtout, elle est constituée à 97% d'eau. Elle n'a pas de squelette. Par conséquent, la chaleur sur elle n'a pas d'effet. Elle se reproduit même plus quand l'eau est plus chaude. L'acidité des océans, telle qu'on la connaît aujourd'hui, puisque avec l'activité humaine, et le développement du CO2, les océans s'acidifient, donc ça n'a pas d'incidence sur son cycle de vie, et tous les cataclysmes qu'il y a eu, en fait, ne l'ont absolument pas touché. Et je suis absolument fasciné par ça, comme beaucoup de scientifiques, et donc je fais ce pari, un peu fou, qu'un jour, ce sera la seule espèce qui restera, et d'une façon ou d'une autre, elle va évoluer, parce qu'en plus, c'est un animal qui a une reproduction sexuée. Et quand il y a une reproduction sexuée, il y a un mélange génétique qui fait que par accident, on peut faire l'hypothèse que cette espèce évoluera et donc qu'elle nous remplacera. Ah bah d'ailleurs, je vais en venir pour te parler, au cas où tu connais pas, et aux auditeurs aussi, un de mes mangas préférés qui m'a aussi beaucoup fait penser à ton roman, d'ailleurs dont je viens enfin de me procurer, c'est le manga « Demain les oiseaux » de Tezuka. C'est aussi une espèce extraterrestre qui décide que l'humain a fait assez de conneries et que la prochaine espèce qui va prendre notre place, c'est les oiseaux. Et on voit en fait l'évolution petit à petit de l'intelligence des oiseaux qui petit à petit extermine l'espèce humaine, la réduisent à l'esclavage, la réduisent même à l'état sauvage. Et je peux pas tout vous spoiler, mais c'est un manga extraordinaire que j'adore. Et si vous intéresse, dépêchez-vous parce qu'il n'a pas été réédité. Il est très difficile à trouver sur Internet. Et les oiseaux, en fait, petit à petit, font exactement les mêmes erreurs que les humains. Et je ne peux pas vous vendre la fin, mais c'est une chute extraordinaire. Demain les oiseaux, si jamais tu ne connais pas, de Tezuka, ils volent des tours. Et d'accord. C'est aussi, c'est pour moi un ouvrage, alors pas du même acabit parce que ce n'est pas porté de la même manière. Toi, c'est beaucoup plus scientifique, là, et beaucoup plus sur des faits actuels et oui. Maintenant, et ce que tu penses de comment ça peut évoluer, alors que Demain les oiseaux, c'est vraiment anticipatif, tu vois comment le monde évolue, et tu l'as dit aussi, hein, c'est une espèce qui peut évoluer, une espèce quasi indestructible, d'ailleurs, c'est quelque chose qui m'a à la fois choquée et pas choquée en même temps, c'est très compliqué comme réaction, que les humains ont voulu exterminer un petit peu les méduses, pour pas qu'elles se reproduisent trop près des réacteurs de centrales nucléaires, parce que tu l'as dit, elles aiment l'eau chaude, elles ont déjà créé plusieurs problèmes, et ils ont même envoyé une espèce d'hélice qui faisait du hachis de méduses, et tout ce que ça a fait, c'est que les gamètes, donc leurs cellules reproductrices, se libèrent, et qu'il y a encore plus de méduses, et c'est encore pire. Tout à fait. Ça fait partie des anecdotes pêcher sur Internet qui font de ce sujet un sujet romanesque passionnant. Il y a des tas d'histoires comme ça. Donc là, en l'occurrence, c'est un Coréen qui a inventé un robot, qui a dû se dire un jour, mais bon sang de bonsoir, on va en venir à bout de cette espèce invasive. Hein. C'est ça le problème des méduses, c'est qu'elles prennent la place des poissons, vraiment. Vraiment, c'est-à-dire il y a des zones du monde, comme la Namibie par exemple, où les pêcheurs ne remontent plus que des poissons. C'est un fait, c'est déjà en place. On que ne des pense méduses, pas. Tu veux dire que des méduses, tout à fait. Et donc il y a quelqu'un qui s'est dit, on va prendre le problème à bras-le-corps, et donc il a réfléchi avec son cerveau d'humain, qui est bien souvent dans la destruction, et qui a conçu une espèce de robot pour broyer les méduses. Et il se passe exactement ce que tu racontes, ça ne fait qu'empirer le phénomène. Et alors ça, c'est le c'est terrible hein, comme idée, mais c'est un sujet rêvé pour un roman. En effet, parce que au final, quoi qu'on fasse, les méduses vont continuer à prospérer. Elles s'adaptent sans problème à l'environnement, comme elles l'ont, tu l'as dit, un système assez simple. C'est assez simple, et qui dit organisme simple dit adaptation rapide possible. Du moins, c'est ce dont on peut se rendre compte si on est scientifique, mais je parle aussi en tant que profane. Et voilà, et les méduses, c'est un sujet qui, d'ailleurs, n'est pas quelque chose qui passionné outre mesure à la base. Pas du tout. Pour moi, c'était juste un signifiant, un mot comme ça. Et puis, j'avais peut-être un goût pour l'esthétique de la méduse, ces mouvements chorégraphiques qui sont très élégants, ces longs voiles, cette transparence, et puis toutes ses propriétés, le fait qu'elle brille la nuit, c'est quand même incroyable. Et puis aussi, toutes les peurs qu'on a en tant que baigneur, en tant que vacancier, et parfois les souvenirs cuisants. On m'en raconte beaucoup depuis que j'ai sorti ce livre, et c'est très agréable. En fait, il y a plein d'histoires très différentes. Et c'est vraiment génial. Les gens viennent à moi et me racontent leurs histoires de méduses. Donc comment faire d'un sujet qui peut sembler insignifiant et inintéressant un moment d'échange et de rencontre, et même de recherche et d'anecdotes très passionnantes? C'est ça en fait des choses autour de ce roman qui est rapide à lire. D'ailleurs, je vais peut-être dire un petit peu comment il est constitué, vu qu'il est fait en 4 livres et 107 chapitres au total, des chapitres pas symétriques. Il y a des chapitres, je ne sais pas s'il y a des chapitres qui font un mot, tiens, je ne sais pas si j'ai relevé ça, mais il y a des chapitres qui font juste une phrase. Ouais, ouais. D'autres qui font plusieurs paragraphes. D'ailleurs, pour moi, ce roman, c'est pas loin d'une œuvre ou d'un roman abstrait. C'est-à-dire abstrait ? Dans la mesure que c'est vraiment pas quelque chose de conventionnel, et c'est quelque chose qui sort complètement des sentiers battus, et le fait que c'est en 4 livres, enfin non, les livres ça c'est pas gênant, les chapitres c'est pas gênant non plus, c'est très conventionnel, mais dans ces cadres conventionnels ça rentre pas dans les cadres, et il y a vraiment tu alternes plusieurs modes de pensée, de discussion, de narration, les moments où tu es dans tes recherches, les moments où tu retraces, où tu nous retransmets ce que tu as appris, ou même comment tu interagis aussi dans ta tête, dans ta vie. Ça y est, j'ai retrouvé l'interaction avec les éditions La Dragonne. Je pense que ça va pas trop spoiler, je pense que si je lis l'extrait, vas-y. Ça tente. Allez, c'est le chapitre 39 si ça vous intéresse. À édition La Dragonne, objet demande d'avance sur droit d'auteur chez Olivier, comme je te le disais. Alors, lors de notre dernière entrevue, j'avance bien sur les méduses, ça se confirme. Je t'enverrai bientôt les premières pages, justement. Il se trouve que je suis sur la piste d'un Américain. Voilà, c'est difficile de respirer en même temps, qui est sur la piste d'un Japonais, qui est sur la piste d'une méduse qui permet de percer le secret de la vie éternelle. Et je voulais savoir si éventuellement tu pouvais me faire une avance pour m'aider à le rencontrer. PS, il habite à Shirahama, une ville balnéaire assoupie dans la préfecture de Wakayama, à 4 heures au sud de Kyoto, c'est-à-dire au Japon. Tu trouves en pièce jointe un devis vol plus train plus hôtel. J'espère que ton moral s'améliore et que les comptes aussi. À bientôt pour un café. Point d'interrogation. Chapitre 40. J'attends toujours enculé. c'est quelque chose de déroutant qu'on n'attend pas du tout. D'ailleurs, ton éditeur, il a lu ça aussi. Oui. Et non seulement il l'a lu, ce qui est une chose, mais en plus, il l'a publié. C'est te dire son niveau de masochisme. Oui, j'aime ce passage, je l'assume, et c'est un lien de plus entre nous, entre lui et moi, parce que voilà, c'est ce lien de complicité-là, de jeu, en fait, on l'affectionne tous les deux. Oui, c'est aussi, comme tu disais, tu parlais un petit peu plus tôt de ce que tu étais très pipi-caca, c'est aussi, tu as un côté très cru aussi dans tes mots, là où tu parles de reproduction. Alors parfois tu es très, très formel, tu utilises des mots, et par moments, quand tu dis que les méduses sont dans une eau chaude, il suffit qu'une enlève son slip et voilà, c'est une partouze. Et j'emploie vraiment les mots que tu as employés, c'est une alternance, alors qui peut sembler déroutante, mais qui donne aussi un autre aspect, beaucoup moins formel et beaucoup moins livre de science qu'on pourrait s'attendre à lire. Ouais. Il y a ce que je te disais tout à l'heure hein, sur le côté familial, tous ces mots-là qui peuvent paraître crus à moi, dans mon éducation première, en fait, c'est des mots pleins de soleil, parce que tous ces mots-là, on rigole beaucoup avec ça, et ma mère notamment, quand elle dit le mot bite ou quand elle dit le mot couille, elle éclate de rire. Elle adore, elle a une jubilation pour dire ces mots-là, et c'est une jubilation qu'elle m'a transmise. Voilà, je pense à elle en disant ça, et je l'embrasse. Mais dans ce livre, il y a aussi une autre dimension à l'emploi de ce langage-là. Hein. Il y a, d'une part, quand tu dis « on est presque surpris par la crudité de ces mots », il y a une recherche de ma part pour traduire dans le texte ce que l'animal de la méduse peut susciter quand on en rencontre une. C'est un texte que j'ai voulu urticant, au premier sens du terme. Et la méduse, on est parfois surpris parce qu'on ne la voit pas venir, ou alors on est, quand on ne la connaît pas, on est médusé, on est charmé par ses mouvements si gracieux, et puis tout à coup, on se prend une décharge. Voilà, j'ai voulu restituer un peu cette idée-là à travers l'emploi de ce vocabulaire de temps en temps, au détour d'une ligne. Et puis il y a une troisième idée, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur l'état des océans. On se fait toujours, tous, et heureusement, quelque part, une représentation de l'océan ou de la mer telle qu'on la voit dans les films ou dans les documentaires ou même dans les dessins animés. Je parle par exemple du monde de Nemo, c'est-à-dire comme un lieu magnifique, magique, ce qu'elle était à l'origine. Or, la mer, ce n'est plus ça, et nous le savons maintenant, parce qu'il y a d'autres images qui nous parviennent. La mer, c'est une gigantesque poubelle. Et pour parler d'une poubelle, je ne voulais pas qu'on s'installe dans une sorte de confort verbal d'un vocabulaire scientifique ou poétique. Je voulais aussi qu'il y ait des mots crus. Quand on croise le mot « bite » dans un texte scientifique, c'est un peu comme quand on croise une serviette hygiénique ou un sac plastique dans une plongée sous-marine. Alors, ce roman, est-ce que c'est aussi une forme d'éveil éveil des consciences pour l'état dans lequel on est en train de mettre la planète, et essayer de réagir d'une certaine manière pour ne pas, même si c'est déjà trop tard, hein, on sait déjà qu'il y a un sixième continent de plastique qui flotte au milieu de l'océan, je crois Pacifique, mais je suis plus très sûre au niveau de l'océan Indien, c'est dans ces eaux-là. Voilà, est-ce que c'est aussi un éveil des consciences? Bien sûr qu'il y a ça, et dans éveil des consciences, j'inclus la mienne, parce que je suis comme tout le monde, hein, je ne donne pas de leçons, et ma vie n'est pas exemplaire de ce côté-là. Mais il est évident que le plastique de nos jours, là, c'est un sujet. C'est un sujet central, fondamental. Ce qu'on retrouve dans le ventre des baleines, là, j'ai vu ça passer récemment, ça sur Internet, c'est effroyable. C'est effroyable. Il y a des solutions dans la façon qu'on a de consommer. Il y a des réflexes à avoir, qu'on doit avoir, qu'on a eu sur le tri des déchets, qu'on peut avoir également sur le plastique. Il faut qu'on s'y mette là, tous, sur le plastique. Tous. En effet, et comme tu parlais de baleines, on n'a pas parlé non plus, même si on ne peut pas parler de tous les animaux, mais je sais que tout le monde aime les dauphins. Sachez, comme tu parlais de plastique, que beaucoup de dauphins aussi meurent chaque année parce qu'ils prennent des sacs plastiques flottants pour des méduses, tout à fait, oui. Ce dont ils se nourrissent principalement, et donc moins de dauphins, moins de méduses mangées, donc moins de dauphins, plus de méduses dans l'océan. C'est un petit peu un cercle vicieux dans lequel on est en train de s'enfoncer, comme tu disais, dans cette sixième extinction de masse. Et pourtant, malgré tu as dit l'urgence un petit peu de faire réagir, tu as emprunté un, enfin pas un vocabulaire comme tu l'as dit, c'est tes mots triviaux, c'est un peu comme un Pokémon rare. On les croise une fois de temps en temps. Je pense qu'à m'entendre, on peut à peu près deviner mon âge. mais voilà, c'est une petite pique aussi urticante, une petite décharge qui vient de temps en temps pour dire « Bon, hein, t'es pas juste en train de lire un livre. Ouais. C'est plus que ça. » C'est plus que ça, c'est tout un univers, toute une réflexion. Et comme on parlait d'univers et de réflexion, je t'ai aussi proposé, parce qu'il faut laisser les auditeurs souffler un petit peu, une deuxième pause musicale de ton choix, quelque chose que tu aimes aussi, comme Cinque Poeta. Alors c'est Close to Me de The Cure qu'on s'écoute, et on se retrouve juste après sur le 107. De retour sur Radio Gémozo 107 FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups. Comme d'habitude, si vous voulez papoter avec nous, c'est via notre page Facebook Radio Gémozo ou par téléphone au 03 29 62 40 40. On est toujours à papoter de Méduse avec Florent Kiefer pour son roman Le Point sur la Méduse. Et oui, d'ailleurs, je vois qu'il nous reste encore quelques minutes, mais plus beaucoup. Donc on va essayer de faire court, même si j'avais préparé beaucoup de choses à dire, mais ça c'est les aléas du direct. Si deux, trois particularités que je voulais quand même souligner pour nos éditeurs, parce que ça va leur sauter aux yeux. Entre autres, je l'ai déjà lu, donc ils l'ont peut-être entendu, ton roman n'a pas de ponctuation à proprement parler, mais, je cite, « on peut mourir, point d'interrogation ». Voilà. Et puis il y a des moments où tu parles de fermer les guillemets ou de points d'interrogation. Je ne vais pas m'amuser à tourner les pages, sinon je vais arrêter de parler et je vais me remettre à lire. C'est un petit peu une forme de triche, ça. Oui. Oui, il y a des fois. Alors, c'est pas de la triche. On va dire que c'est un effet recherché par l'auteur. Mais c'est vrai que des fois, j'écris le point d'interrogation, la ponctuation, le signe de ponctuation en toutes lettres. C'est aussi une façon de faire rentrer. L'auteur dans mon atelier. Ou le lecteur, tu veux dire. Le lecteur, oui, pardon. Tu vois, j'inverse les rôles. Et c'est peut-être aussi une résurgence de mon premier métier, professeur de lettres. Je faisais des dictées. Et quand un des plaisirs de la dictée, c'est de dire le maître, virgule. Tu vois, c'est de dire les signes de ponctuation. Ouais. C'est très jouissif. Donc, c'est... Donc, ça y est, le retour du TOC. Donc, c'est vrai, au cas où tu n'es pas au courant, tout le monde a ses TOC de langage. Et moi, c'est un TOC qui m'énerve beaucoup. J'avais pas remarqué. Tu vois, tu ne me l'aurais pas dit, j'aurais rien dit. Ah ben, je crois que j'ai fait attention jusqu'à 49. Donc, j'ai perdu. Mais c'est déjà en progrès. Voilà, comme tu l'as dit, jouissif pour toi. Et c'est aussi une forme détournée de ponctuation, parce que mis à part ça, il n'y a pas la moindre ponctuation. Tu as dit, il n'y a pas le moindre point, sauf sur la première de couverture, le point sur la méduse. Et d'ailleurs, la première de couverture, parlons-en, parce qu'elle a un aspect très, très vintage, très ancien. C'est très joli, dans une couleur un petit peu vert kaki. Alors, ça ressemble à des gravures, mais bon, il est en papier, c'est dessiné. Une police d'écriture, voilà, un petit peu. On aurait l'impression de lire presque un roman de Jules Verne avec ce design-là. Oui, c'est presque la même époque. En fait, elle a été réalisée par Jacques Vitali, qui est un plasticien tout à fait contemporain et qui travaille très souvent pour La Dragonne. Et il a travaillé à partir de la couverture d'un livre du début du siècle dernier. Qui a été réalisé par le biologiste allemand Ernst Haeckel, réalise toute une enquête, toute une classification en fait des formes naturelles. Et d'ailleurs, son livre s'appelle « Formes artistiques de la nature ». Je ne me hasarderai pas à le prononcer en allemand. Mais voilà. Et d'ailleurs, c'est intéressant, j'en profite pour faire un tout petit peu de pub. Je ferai une lecture vendredi prochain, donc le 7 décembre à 18h à la médiathèque de La Vosges-les-Bains, puisque ça s'appelle comme ça maintenant et non plus Bains-les-Bains, à l'invitation de l'association Le 2bis, qui eux réalisent une exposition sur les formes du vivant et dont l'affiche, qui est absolument superbe, est également une gravure en couleur de Ernst Haeckel. Et donc on s'est retrouvé tout à fait là-dessus. Vanina Kershek est venue à ma lecture à l'Octopus et on est vraiment très contents tous les deux de cette rencontre, et je me réjouis de cette lecture à Bains-les-Bains. Le 7 décembre, qui sera rappelé dans le billet de sortie, tu m'as devancé aussi pour tes projets. D'ailleurs, mis à part cette lecture, est-ce que tu as déjà d'autres projets en cours ou pas d'autres à transmettre à nos auditeurs ? Oui, je serai présent à la librairie Le Quai des Mots le samedi 15 décembre, puisqu'ils organisent un petit salon du livre à l'occasion des fêtes de Noël. Et puis, à la Tête à Toto, à l'invitation de la librairie Le Moulin des Lettres, le 8 février. Alors, l'horaire n'est pas encore fixé, mais là, je reproposerai le travail de lecture-concert que j'ai préparé avec Jean-Nicolas Mathieu. Parce que ces autres rencontres du 15 et du 7 et du 15 décembre, c'est plus des... comme un salon du livre ordinaire, rencontre, dédicace. Le 7, il y a une lecture, et puis suivi d'une dédicace, bien sûr. Et le 15, c'est vraiment un salon du livre, donc c'est le moment rêvé pour effectivement avoir une dédicace ou pour discuter avec moi. Voilà. C'est ce moment-là. Et d'ailleurs, je vois malheureusement que le temps va nous manquer, mais s'il y a une... Parmi les dernières choses que j'ai envie de mettre en avant, d'ailleurs, qui je pense n'est pas lu très souvent, je crois s'il y a des choses qui ne sont pas lues très souvent dans les bouquins, c'est les préfaces et les dédicaces. Parce que ta dédicace, elle est marrante, Je vais la lire tout simplement. L'auteur dédie ce livre aux 2478 méduses embarquées à bord de la navette Columbia lors de son 11e vol le 5 juin 1991 dans le cadre de la mission Space Lab Life Science et plus particulièrement à celles qui manquaient à l'appel lors de l'atterrissage le 14 juin de la même année. Pourquoi avoir dédié ton livre à des méduses qui ont fait un vol dans l'espace? Ah, ça va être difficile de répondre sans spoiler, parce qu'il y a un lien avec un autre passage du livre. Mais pourquoi cette idée-là? Je trouve absolument fascinant et d'une poésie folle cette idée que lors d'un vol dans l'espace, des êtres humains, pour une raison scientifique tout à fait sérieuse, hein, mais c'est pas ça qui m'intéresse a priori, des êtres humains aient embarqué des méduses. Et que des méduses, des animaux marins, se soient retrouvés dans l'espace, je trouve ça absolument poétique, fascinant. Ça me remplit de joie et de bonheur. Et dans ce monde, tout à l'heure on parlait de pessimisme, et dans ce monde, ce monde qui est le nôtre, très technologique, il y a parfois des moments de grâce comme ça qu'il faut savoir prendre et regarder, et qu'il faut savoir mettre en avant. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, c'est aussi noté dans le livre, vous pouvez voir cette vidéo, vous pouvez voir les méduses. T'es allé la voir ? Oui. Oui, je l'ai vu cet après-midi. C'est vrai, tout est vrai. Je donne même, je crois, le minutage de la vidéo YouTube. Mais on peut voir les cosmonautes dans la navette Columbia. Ça aussi, c'est extraordinaire quand on y pense. On peut les voir en train d'observer les méduses au microscope. Et je crois même qu'on voit les méduses. Oui, exactement. On voit les méduses. Je te confirme que je l'ai vu cet après-midi. Parce qu'en effet, tu donnes des points pour aller chercher. Tu invites aussi. Alors, je ne vais pas dire que tu prends le lecteur par la main, à mon avis tu lui donnes plutôt un petit coup de pied au cul du genre, si ça t'intéresse tu vas chercher, mais si ça t'intéresse pas, mais pourquoi tu lis ce livre dans ce cas? Dis-moi, moi c'est comme ça que je l'ai ressenti, que je l'ai vu, mais c'est aussi une forme de je vais en revenir à un autre bouquin que j'ai beaucoup aimé, mais c'est juste la morale de la fin, Le mystère de la patience de Josh Steingarder, qui à la fin, bon, je peux pas tout vous raconter parce que c'est trop long à expliquer, mais qu'il faut pas rester sur ses acquis, qu'il faut toujours qu'il y ait un petit joker qui soit là pour nous réveiller, pour qu'on se rende compte à quel point la vie est belle et simple et qu'elle va pas simplement de soi. Et toi, t'es un petit peu ce joker pour les lecteurs, t'es là pour dire c'est plus compliqué que ça, c'est pas comme on le pense, il faut aller regarder plus loin. Et c'est ce que tu invites, même ce que tu pousses les auteurs, les lecteurs à faire avec ce roman. Tu les rends aussi acteurs de cette histoire. Oui, mais si ça pouvait avoir lieu, je serais évidemment très, très flatté, très heureux. Ah ben, en tout cas, c'est le cas en ce qui me concerne. Quand tu disais aller chercher sur Internet, je suis allée chercher sur Internet. Et quand je tombais sur des informations, alors je me suis amusée à lire, j'ai pas lu 36 000 sites, mais plutôt l'encyclopédie d'Internet, Wikipédia pour ne pas la citer. Je retombais sur des mêmes informations. Comme quoi ça se recoupe, ou quand tu as invité, mis à part la fois où je me suis perdue sur YouTube à cause de toi, j'ai quand même fini par trouver parce que. Ce roman, pour moi, existe au-delà de ces pages, au-delà de ces quatre couvertures. Il existe beaucoup plus loin et tu pousses et moi, ça m'impacte aussi. Ce roman continue d'exister bien après la lecture. Ouais. Il y a aussi autre chose. Je pense que tous les écrivains, quasiment tous les écrivains aujourd'hui, écrivent en se servant d'Internet, en se servant de Wikipédia. C'est un tel pouvoir de pouvoir faire ça. Et rares sont ceux, d'une part, qui le reconnaissent, d'autre part, qui le citent. Et alors, rares quand ça apparaît dans le texte lui-même. Et je pense que la littérature devrait avoir l'audace, parfois, de cesser de faire croire aux lecteurs qu'on écrit les romans comme au 19e ou au 20e. C'est faux. On n'écrit plus les romans comme ça. Nous avons accès à un monde en quelques clics. Et ça m'intéressait aussi de jouer avec ça et de ne pas écrire ces romans que j'appelle des romans poutres apparentes. Vous savez, ces fausses poutres en polystyrène qu'on colle au plafond. On fait tous un peu ça dans les romans un peu classiques. Et je trouve intéressant aussi de jouer carte sur table et d'être franc avec le lecteur. Il est aussi puissant que nous. On n'a pas l'omniscience puisque c'est Internet qui nous le donne. Oui, c'est cette humilité aussi que tu que tu montres aussi à travers ces quelques pages, une petite centaine, 150, je crois, qui se lisent d'ailleurs très vite, si ça vous intéresse. Le point sur la méduse, il n'est pas épais, il est pas long, il est vite lu, et en plus, il n'est pas cher, il coûte 16 euros, comme ça, je le vends très bien. Oh, tu peux m'engager, peut-être. On va faire ça. Ouais. Mais bon, dans tous les cas, sincèrement, je l'ai beaucoup aimé. Sincèrement, je vous le conseille, et s'il ne vous plaît pas, bah, je me porte garante de votre mécontentement. Tu rembourses? Non, peut-être pas, non. Bon, tu vas envoyer un RIB à tous les auditeurs. Non, mais dans tous les cas, sincèrement, lisez-le parce qu'il vaut le coup. C'est tout ce que je peux dire. Je crois que je ne peux pas faire de meilleure publicité pour ton roman, parce que sincèrement, moi, j'ai passé un très, très bon moment en le lisant. Et bah, en fait, la seule chose que j'ai envie de faire, c'est bah, de lire les prochains et les précédents, en espérant que ta plume aussi sache me tenir comme tu m'as tenu sur le point sur la méduse. Eh bien, merci, c'était un excellent moment pour moi de répondre à tes questions que j'ai trouvées vraiment super intéressantes. Merci Lou. Bah, le plaisir était partagé, et avant de se dire au revoir pour de bon, ça va déjà être le moment de faire la programmation de la soirée, parce que oui, il est 19h. Alors ce soir, on retrouve à 20h Michel pour La Parole est à vous, et le thème de l'émission de ce soir, c'est prévention de la santé. Puis à 22h, vous retrouverez Dominique pour J'ai aimé, je vous le lis, et 23h, 20 Fight Rock, c'est du rockabilly, donc une émission musicale. On se retrouvera demain matin 7h-8h pour la rediffusion de l'émission que vous avez écoutée à l'instant, et pour ceux qui n'ont pas la patience d'attendre demain matin ou qui ne sont pas présents pour la rediffusion, elle sera en podcast dès ce soir sur notre site internet radioguemozo.eu, rubrique émission et rediffusion, puis l'heure des loups, ou sinon sur notre page Facebook Radio Guemozo. Et ce que je peux taguer, ce que je peux donner en site internet, les auditeurs ont l'habitude, je le mettrai, comme ça vous trouverez les liens directs nécessaires. Puis demain on sera mercredi, ce sera Amadou pour sa chronique à 8h, donc après la fin de l'émission, puis 8h30, Marion pour sa matinale qui va raconter le programme de la journée de demain. On se retrouvera demain soir 18h-19h avec une association qui se bat contre le cancer. Enfin, c'est une cause pour le cœur, je suis désolée, j'étais tellement prise par les méduses que voilà, j'ai du gélis à la place du cerveau. Mais il s'agit de l'association Impériale 68, de toute façon je vous en dirai plus sur Facebook. Alors on se donne rendez-vous demain 18h sur le 107. Florent, merci beaucoup pour ce bon moment. Merci beaucoup pour ce roman qui était aussi un très bon moment. Et bonne continuation à toi. À toi aussi. Et aux auditeurs aussi. Bonne soirée. Bonsoir et à demain. À tous.